ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui le cours qu'on va faire c'est un cours un peu spécial toujours sur العقيدة bien sûr mais aujourd'hui on va parler de la ilaha illallah on parle de عقيدة on parle de توحيد on parle de توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد أسماء الله والصفات mais si on n'a pas compris معنى la ilaha illallah بأركانها وشروطها ومعناها الحقيقية فلا فائدة للكلام si on parle de توحيد de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurialité l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la divinité la seigneurialité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, ses qualités mais qu'on ne connaît pas la ilaha illallah avec ses piliers, avec ses conditions c'est pas la peine de continuer donc aujourd'hui on a préparé un cours par rapport à une phrase qui était dans le livre par rapport à une phrase qui était dans le livre المؤلف رحمه الله يقول في كتابه المسمى بتفسير العزيز الحميد لشرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله في وإنما السبب لإذن كمال التوحيد إذن فوق الله سبحانه وتعالى ici donne l'interception totale à une personne il faut qu'il vienne avec un توحيد complet Et justement, c'est la leçon d'aujourd'hui qu'on va voir. فَإِنَّ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ On l'entend, mais on l'entend toutes les sauces. Chacun qui va nous ramener sur لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ La base القرآن والسنة على فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله Si on ne prend pas لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a enseigné dans le Coran et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné dans sa sunna sahiha tahira naqiya nadifa et comme les titres et successeurs nous l'ont laissé on fait fausse route fa inna kalimata tawhid la ilaha illallah c'est quoi c'est asasuddin c'est la base de la religion c'est la base et dans toute chose il y a une base mais celui qui n'a pas la base de cette chose là la chose désirée il n'a rien Alors maintenant, si nous n'avons pas la base de notre religion, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. Il y a As-Sat-Din. C'est la protection totale. Quand tu as la ilaha illallah, tu es protégé de toute chose. Toute ambiguïté. Tu es protégé de toute philosophie. وطريقه القويل مثل الشمع الشمع كلير كلمة لا إله إلا الله قلت يا لا إله إلا الله في فيني في تقني في الدنيا في الفيلوزوفي إذا فيني أغلت الجغوين يغجر يسا من أين لك هذا الكلام دو في تنسى الله هذا الدليل دلو الأرغمنتاشن أرغمنت أقوالك هذا الدين فلينظر كل واحد منا من أين يأخذها Il faut que chacun de nous sache de qui il porte cette religion. C'est pas un jeu, on joue pas avec la religion. وَصِرَاتُهُ الْمُسْتَقِيمُ Le chemin droit. وَلِهَذِي الْكَلِمَةُ الْمَكَانَةُ الْعُظْمَى فِي دِينِ الْإِسْلَامِ C'est pas la fin de venir et dire, oui, mais moi je fais la prière, je fais le somme, je fais le zakat, je fais le khayr, je fais le hajj, je fais toutes ces adorations, mais tu connais pas la ilaha illallah. Tu connais pas son sens. Elle compare, ils font la prière. الكفر رجال، الكفر الفوند في الغناج، الكفر الفوند في المساكين المحتاجين ولا الانستيتيو لي فون. Est-ce que c'est pour cela qu'ils seront gagnants? Après, il y a des gens qui vont te dire, oui, mais regarde, moi je ne fais pas la prière, je ne fais pas ça, mais je suis mieux que celui qui fait la prière. Mais Aïna, comment c'est mieux? Non, c'est pas mieux, mon frère. L'exemple, c'est pas un tel ou un tel qui fait la prière et qui va voler au supermarché. Ou là, l'exemple, c'est pas un tel, elle met la hijab et je ne sais pas ce qu'elle va faire en dehors de sa maison. Notre exemple, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète. Ah oui, mais moi je porte pas de barbe, mais je suis mieux celui qui porte la barbe. Istaqillah fi nafsika ya akhi al-karim. Tu t'es basé sur une personne qui a fait des erreurs et qui porte la barbe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Alaykum salam, sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des créatures. Elle avait la barbe. Et il avait la barbe taillée. Sa barbe taillée, il avait une barbe quatre, qu'il a laissée. Khalifu al-Yahud al-Nasara. Qussu shawaribakum wa ahfu ala lihakum. Laissez pousser vos barbes. Bien sûr, laissez pousser les barbes. Je ne vais pas dire que si tu as une barbe qui monte comme ça, tu vas la laisser comme ça. Tu l'arranges. Mais il ne faut pas raser la barbe. Et de dire que, oui, mais moi je suis mieux qu'un tel parce qu'il a une barbe, mais en vérité c'est un grand voleur. Non. Regarde-toi, t'es compte avec Rabbul Alamin. Regarde, est-ce que toi tu es pur, tu as un cœur pur avec Allah. Et tu peux faire le bien, va voir ce que sera la divinité, après. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu voles, ben c'est pas bien et tout, en plus, t'as les habits d'islam et puis tu portes la barbe, tu portes la chéchia. Tu peux le conseiller. Tu dis attention à ce que tu fais. Bon, bien sûr, si lui il vole, il va venir avec ses argumentations. Tu veux dire, oui, si on est dans un bled de koufar. Mais après, Ardullahi wa sira. La terre d'Allah, elle est vaste. C'est vrai qu'il y a des endroits où Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné plus d'importance qu'à d'autres. Mais Ardullahi wa sira. Là où on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça notre bled. Là où on n'est pas embêté, c'est ça notre bled. Si on est embêté, même si on est Algérien, Marocain, Tunisien ou Égyptien, n'importe quoi, on est embêté dans notre pays, on sort de ce pays-là. On sort. Et on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le pôle Nord. Le concept, c'est d'être tranquille. Quand t'as pas la tranquillité, t'as rien du tout. C'est moi, toi, bon, le fitness, toi, chef de mes notre. Le fitness, encore plus que si on te tue. On te tue, on n'en parle plus. Mais quand c'est la fitna qui rentre dans ta tête, c'est fini, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala correctement. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Wa al-fitna tu ashadu min al-qatl. » Et notre terre, on est sur terre, bien sûr, on est sur terre, mais notre demeure éternelle, c'est pas dunya. Il faut bien mettre ça dans les têtes. Il faut le jannah, Inch'Allah. Il faut faire tout pour y accéder. Il ne faut pas se refermer les taux à dire, « Ah non, moi je reste ici parce que je peux pas aller là-bas, et puis j'enlève de ma religion parce que... » Tu fais des concessions religieuses? Il n'y a pas de concessions religieuses. Ad-din ou ad-din. C'est à toi de faire l'effort. C'est à toi de comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Et justement, il y a le chemin qu'il faut suivre. Si tu as compris ça, tu es endetté par personne. Tu n'es pas endetté par les gouvernants. Parce que le muslim al-haqiqi, il rentre pas son nez dans les gouvernants. Tu n'es pas endetté par Shaitan Dien qui t'embête, mais il ne peut rien contre toi. Il n'a pas de force sur toi. Ta neuf, tu l'as maîtrisée, tu lui as donné deux coups, c'est fini, elle ne bouge plus. T'es pas embêté. Mais comment ça philosopher à dire oui, mais nous, regarde, les gouvernements, les... Ça, c'est pas ton ressort. C'est le ressort des savants. Toi, essaye d'appliquer ta religion correctement. Essaye d'enlever tous ces défauts, tous ces vices qui sont en toi. Essaye de nettoyer, de purifier ton cœur. Et c'est ce qui est demandé. Essaye de te rapprocher de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De la satisfaction divine. Premier point. Donc on a dit que l'imatu la ilaha illallah c'est awwalu ruknin min arkan al-islam. C'est le premier pilier. Qu'est-ce qu'on vous a dit la dernière fois? On a dit qu'un pilier c'est sur quoi repose une chose. Ici, on repose la religion. Comme arkan al-salah, arkan al-sawm, arkan al-zakah, arkan al-hajj. C'est rukn, ces piliers-là qui sont dans la prière, dans le ramadan, dans l'aumône légale, dans le hajj. S'ils ne sont pas appliqués, il n'y a pas de sawm. Il n'y a pas de somme valable, il n'y a pas de zakat qui est accepté, il n'y a pas de prière acceptée. C'est pareil en religion. Si tu manques au pilier de la religion qui est là, il y a alors là, tu n'as pas de religion. وَأَعْلَى شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. Et c'est le plus haut degré de la foi. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث الإيمان 73 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى من الطريق، والحياة من الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله. ستقل إلى الله فقد ينزل لا إله إلا الله فتبقى كل وقت، لا إله إلا الله فتبقى كل طب الخير، لا إله إلا الله فتبقى كل طب الشر et des subohat, et des ambiguïtés. وَهِيَا أَوَلُ وَاجِبٍ عَلَى الْمُكَلِّفِ Le premier enseignement qu'il faut instaurer aux responsables. Le responsable ici, c'est le tuber. Quelqu'un qui peut procréer, il devient responsable. Et c'est le premier enseignement qu'on va enseigner à cette personne-là. الْمُكَلِّفِ Quelqu'un qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, il n'est pas responsable. Quelqu'un qui devient tuber, qui peut procréer, lui devient responsable. Et on doit lui enseigner là et là, non là. فهي قلنا أول واجب على المكلف وآخر واجب عليه. Et c'est le dernier enseignement qu'on devra tirer de ce mukallaf. Et c'est quoi? C'est avant de mourir. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. La première des choses, quand il rentre dans le dunya, il rentre avec la ilaha illallah. Et la première des choses, quand il sort de le dunya, il sort avec la ilaha illallah. Mais c'est la ilaha illallah avec lequel tu es rentré, c'est la ilaha illallah avec lequel tu es sorti, il faut l'entretenir. Tu n'entretiens pas entre les deux. Tu es en dessous de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقبول الأعمال المتوقف على النطق بها والعمل بمقتضاياها. Et قبول الأعمال, pour que les actions soient acceptées. Il y a des conditions, mais là on en trouve dans la première. C'est toujours mentionné, c'est la plus importante. قبول الأعمال, c'est quoi? Pour que les actions soient acceptées. Il ne suffit pas de dire la ilaha illallah avec la bouche. Il faut dire la ilaha illallah avec la bouche. Il faut le penser avec son cœur. Et il faut que les membres le mettent en application. Il faut que les membres de son corps le mettent en application. Et ceux qui viennent et qui te disent oui, mais l'iman fil qalb, la ilaha illallah fil qalb. On peut leur donner un exemple. On leur dit, le laboureur, quand il prend la graine et qu'il la met dans la terre et qu'il l'entretient, il l'entretient, est-ce que la graine va rester comme elle? Elle ne va pas rester comme elle est. Elle va un jour fleurir et on va la voir apparaître à l'extérieur. Pareil. Là, il a l'air, tu l'entretiens, jour ou l'autre, là, il a l'air, il sort. Et on le voit apparaître devant toi. On le voit. On le voit dans tes paroles. On le voit dans tes affaires, dans tes actions. On le voit dans ton sourire. Tu n'es pas crispé, constipé. Les gens, ils font le sourire. Pourquoi ils me regardent ce qu'ils veulent? Ils sont constipés. Les gens, on dirait qu'ils veulent. Non. Là, il a l'air, c'est la parole qui fait vivre. Elle fait vivre les cœurs morts. Elle ouvre les oreilles bouchées. Elle ouvre les yeux fermés. Subhanallah. Si tu n'as pas encore l'intégré de la ilaha illallah, quand ces gens te voient, ils ont envie de s'échapper, sache que dans ton la ilaha illallah, ta aqidah n'est pas encore bien. Elle n'est pas encore sahiha, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Min ma'ani la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, il n'y en a qu'un seul. Wa la yajuzu an yakun akthar. Et il est interdit qu'il y ait plusieurs sens. Ça, on l'a mentionné ici, c'est très important. On entend beaucoup de gens, quand ils parlent de la ilaha, ils donnent des sens autres que ce qui devrait être. La ilaha illallah, c'est quoi? C'est la ma'bouda bihaqin illallah. Et c'est important de mettre bihaq. C'est la première chose. Et c'est important de dire ma'bouda. Parce que ma'bouda, c'est quoi? On a raté celui qui est adoré. Et dans kalimat ma'bouda, tu rencontres tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid asma' illah wa sifat. Tu rencontres les trois tawhids. Et c'est avec ces trois tawhids que l'insan yaflah. Avec ces trois tawhids réunis, que l'insan il rentrera du idéla au paradis. S'il manque un de ces tawhids, la jannata lahu, pas de paradis pour lui. Ou adalay sa kalamna. C'est le kalam Allah subhanahu wa rabbil alamin. Au kalam al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces gens, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils ne vont pas te dire la ma'bouda bi haqqin ilallah. C'est pour ça qu'ici on l'a rapporté. Wa la yajuz lana an naqula, par exemple, la khaliqa illallah, ou la qadira ala al-ikhtira', ou al-mawjoud illallah. On n'a pas le droit de dire que la ilaha illallah, son sens, ça veut dire la khaliqa illallah. جلاء قادر على الاختراع. تقول لك قادر على الاختراع celui qui est capable de créer toute chose, d'inventer toute chose, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que quand tu dis ça, tu ne définis que un seul tawhid. Et c'est tawhid quoi que tu définis ici? Al-Rububiyya. L'unicité de la seigneurialité. Alors que quand tu dis la ma'abouda bi haqqin, là tu réunis les trois tawhid. Ça c'est très important. Quand vous faites le sharh de la ilaha illallah, faites-le correctement. Si vous dites la khaliqa illallah, on sait que la khaliqa illallah, mais ce n'est pas suffisant. لا قادر الا الله seul Allah est capable. On le sait, mais c'est pas suffisant. Parce que ici tu as reconnu quoi? Tu n'as reconnu que Tawhid al-Rububiyya et tu n'as pas reconnu le reste. Donc on a dit لا معبود بحق الا الله. Pourquoi? Parce que Kuffar, Kuffar Quraysh, والمشركين في الجاهلية لا ينكرون انه لا خالق الا الله او لا قادر على الاختراع الا الله قال تعالى في شأنهم. المشركين de Quraysh et les coufades de Quraysh, ils n'ont pas renié que Allah subhanahu wa ta'ala c'était lui le créateur. Ils n'ont pas renié que c'était lui qui était capable de faire toutes choses. Ils n'ont pas renié ça. Allah qu'est-ce qu'il dit sur à leur rencontre? Il dit وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولَنَّ Allah. Tu leur dis mais qui a créé les cieux et la terre? Qu'est-ce qu'ils vont te répondre ces mouchriquins et ces coufades de Quraysh? Ils vont te dire mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur. Il le reconnaissait en tant que roi dans son royaume. Il savait que c'était lui qui dirigeait le monde, qui faisait descendre la pluie, qui faisait sortir les plantes, les légumes et les fruits. Il le savait ça. C'est pour ça que nous, si on dit « La khaliqa illallah, hada ma'nana illallah », c'est pas suffisant et on n'a pas le droit de dire ça. Nous, il faut qu'on dise une chose qui réunit les tawhid. Qui fait pas tawhid n'en forme qu'un en réalité. وأشعارهم مليئة بإقرار التوحيد الربوبية. Et quand tu regardes aussi, quand tu regardes aussi leur poésie, leur poésie, كفر de Quraysh, ou bien المشركين, ou bien أهل الجاهلية الأولى, ceux qui étaient dans l'ignorance pré-islamique, tu verras que dans leur poésie, ils confirment que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Ils le confirment dans leur poésie. Donc c'est pas là où ils se sont égarés. Ils se sont pas égarés dans le projet de Rububiyya. Le projet de Bilal, ça se trouve, ils étaient encore plus sûrs que nous à nos jours. Inna kufara Quraysh, lamma qala lahum ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, qulu la ilaha illallah, qalu kama akhbara ta'ala anhum. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il leur a dit, dites la ilaha illallah. Qu'est-ce que les kuffars de Quraysh ont dit? Et les mouchriquins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah, il nous le mentionne dans le Coran. Il dit أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ. Il dit comment? Il a rendu les divinités une seule? Il en a fait qu'une seule? Ça, c'est vraiment quelque chose d'étrange. Tu vois? Il le savait. Quand le prophète s'en est dit قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ. Dites لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ. Parce que l'insan, de par nature, de par nature, il sait qu'il existe le Dieu. Il sait qu'il existe son Créateur. Mais il ne sait pas qui est. Il ne sait pas qui est. Les prophètes sont venus pour leur enseigner qui est dans ce cas-là. Qui était le Dieu qui devait être adoré. Eux, ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils savaient qu'en disant là, il a la masse, ça finit, ils allaient tout rejeter. Rejeter leur fausse divinité. أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Donc c'est quoi la chose qu'ils ont compris, Quraysh? La question qu'on peut se poser c'est: هل فهموا من لا إله إلا الله أن معناها لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله؟ Est-ce que les Quraysh ils ont compris que ce qui leur était demandé ici c'était que Allah subhanallah c'est lui le créateur, ou bien Allah subhanallah c'est lui qui est capable de faire toutes choses? C'est pas ça qu'ils ont compris de quand le prophète leur a dit là, il a là, c'est pas ça qu'ils ont compris. Ils ont compris quelque chose de plus important encore. Ce qu'ils ont renié, c'est que أَنَّهُمْ لَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ. Ils savaient que c'était Allah subhanahu wa ta'ala le créateur. Ils le savaient très bien. Mais ce qu'ils ont renié, c'est que إِنَّمَا أَنْكَرُوا أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ كُلَّهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. ils ont refusé que l'adoration totale soit simplement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la chose qu'ils ont renié. Donc, là où ils se sont égarés, c'est dans le tawhid al-uluhiyya. Ils n'ont pas reconnu Allah subhanahu wa ta'ala l'unique qui doit être adoré. Idem, ça m'a la ilaha illallah. Donc, le sens à prendre dans la ilaha illallah, c'est quoi? La ma'bouda bi haqqin illallah. وقدرنا بحق لأن المعبودات كثيرة. فقلنا بحق تتلغ بديه. بس كل معبودات في تدري وجري في زمننا هذا وفي زمن الذين سبقونا. يبي beaucoup de choses qui étaient prises pour adoration, pour divinité. Donc c'est pour ça qu'on a dit بحق. بحق ici. Parce que là, il a dit on vous le dit, elle a des conditions. Et si on remplit pas ces conditions, si on manque à une de ces conditions, notre la ilaha illallah tombe à l'eau. Est annulé. Et c'est grave. Il y a des gens qui disent la ilaha illallah à longueur de journée, mais à longueur de journée, leur la ilaha illallah est annulée. Ils disent la ilaha illallah, mais tout de suite après, ils font des actions que la ilaha illallah est annulée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas dit la ilaha illallah de haqqin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le Coran, ذلك بأن الله هو الحق. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le Seigneur qui doit être adoré avec toute vérité. C'est lui le haq, le véridique. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va باطل. Ça a rejeté. Ça tombe à l'eau. Ça c'était pour ma la ilaha illallah. Maintenant qu'on connaît ma la ilaha illallah, on va voir arkanha. Arkanuha, les piliers de la ilaha illallah. Maintenant, on a compris le sens de la ilaha illallah. Sur quoi repose la ilaha illallah? Sur deux choses. La salita lahuma, pas une troisième. Deux choses. Celui qui vient avec une troisième, une quatrième. Ou celui qui enlève un de ces piliers, qui dit arkan al-bâtil. Il vient avec quelque chose qui est faux. Il y a deux choses à savoir dans la ilaha illallah. La première des choses, c'est quoi? C'est notre vie. الآلهات الأخرى الباطلة. C'est le fait de rejeter toute autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on entend par là? On n'a pas le droit de prendre comme divinité ou d'adorer les anges, les prophètes, les mashayikh shuyur, les génies, les arbres et les pierres, le hawa. Nous pensions, on n'a pas le droit de les adorer. Le seul qui doit être adoré, c'est Allah wahdahu la sharika lah. C'est rejeter, renier toute autre divinité excepté celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit d'adorer non plus les gens dans les tombes. Les gens dans les tombes, ils sont morts. S'il était musulman, mu'min, Allah yirahmo, rahmatan wasi'a, comment il fasse miséricorde dans sa tombe? Et en plus, il est en train de jouir des bienfaits dans la tombe que Allah s'en a réservé pour les mu'minim. Al-Qabru, Anna Rawdatan min Riyad al-Jannah, ou c'est un jardin des jardins du paradis, Al-Hufratan min Hufar al-Nar, ou un trou des trous de l'enfer. Comment toi tu vas lui demander, donne-moi, fais-moi, guéris-moi, trésore-moi? Lui, le mort, il a besoin de ta dua. Lui, il a besoin de ta dua. Il a besoin que tu lui fasses dua. Ah, si c'était un kafir qui était dedans alors, c'est encore pire. Tu vas adorer un kafir qui est en train de souffrir et de chaque mois d'attente qui est en train de... Et encore, des fois c'est pire. Quand tu creuses des tombes, tu trouves des squelettes d'animaux. Des chiens, des ânes, des poules. Comment ils ont trouvé ça dans un bled? Il a fait Sidi Abou Rich. Sidi Abou Rich. Quand ils ont déterré, ils ont trouvé des plumes de poule. Et les gens, ils sont en train de l'adorer. Non. Celui qui doit être adoré, c'est Allah, al-Wahid al-Qahhar. La ilaha illallah. Il n'y a pas j'adore un tel ou j'adore un tel ou là. Le deuxième pilier de Shahada, c'est al-Ithbat. C'est reconnaître, certifier le sabbat de l'Illah. La ilaha nafi. إلا الله إكتفي الله الثبات تثبت تيقين تكونفيرم كتا الله سبحانه وتعالى لمن كي دوت تكون ادوري qui manque un de ces piliers, sur la ilaha illallah, il est batil. Si tu rajoutes à ces piliers, sur la ilaha illallah, il est batil. Deux piliers, pas trois, pas quatre, deux. La négation, tu renies toute autre divinité que celle d'Allah, et tu confirmes celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. بتوحيده الكامل. Maintenant, on va te poser une question. هل يكفي مجرد النطق بها؟ Est-ce qu'il est suffisant de dire la ilaha illallah avec la bouche? الجواب طبعا لا. Il n'est pas suffisant de dire la ilaha illallah. كم من الناس يقولون لا ilaha illallah. Combien il existe sur terre déjà qui disent la ilaha illallah. Mais est-ce que la ilaha illallah suffit pour rentrer au paradis? كما مر معنا معنى الشهادة هو لا معبود بحق إلا الله فلا يعبد إلا الله كما نزل في الوان كنا نتحدث عن معنى du sens de la ilaha illallah en bas là فلا يعبد إلا الله seul Allah doit adorer, doit être adoré on ne peut pas adorer autre que lui donc le fait de dire la ilaha illallah c'est une chose mais maintenant l'adoration c'est une deuxième et ça se complète ولا يجوز أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. Il est interdit d'attribuer toute adoration à excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire oui mais regarde lui c'est Cheikh Fulan, il est mort, c'est un grand wali et quand je vais lui égorger un mouton sur sa tombe, il va venir et... أعوذ بالله. أعوذ بالله. On a vu dans des pays comme ça. Où les gens ils font des hadarat, ils se disent hadarat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la présence du prophète, elle est parmi nous. En innovant des chants religieux, en innovant des aqwal batila. Ils se disent oui, on va faire revivre la mémoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de la sunnah? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de la sunnah? Ils tiennent tout ça, ils chantent en cœur. Ha ha ha ha ha ha. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'ils disent la sunna, comme ça qu'ils ont instauré la sunna du prophète en tenant en rond la farandole, tout ce qu'on entend là. Ha ha ha ha ha ha. Imagine-toi une minute que Allah ibn Khattab, radiallahu anhu, Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, il s'est là, ha ha ha ha ha ha. A'udhu billah. Nous, ça nous fait rire, mais il y a des gens, il y a ta'qidu nabi dhali. Et il y a des gens qui croient et qui croient fortement que quand ils font ces choses-là, le prophète il apparaît. Et encore, ça va plus loin, ils croient que leur chir, qui avec eux, lui, il voit le prophète, mais les autres ne le voient pas. Pourquoi? Parce que lui, il est plus proche. Non. Inna Allah a'alabu biman ittaqa. Seul Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sait que parmi nous, le plus pieux. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas lui. Allah, lui, il sait ce qu'il est le plus pieux d'entre nous. Allah, il connaît ses awliya. Allah, il connaît ses amis sincères. Ou le wali, c'est pas celui qui fait des miracles. Et le wali, c'est celui qui. Mais en application, ma halal Allah. وما حرم الله وينهى عن الفحش والمنكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إكي في السنة في الصفات صلى الله عليه وسلم سلي الولي كم يتفق لي سيزار وفلسطين كم يتفق لي سيزار وفلسطين إذا تبتيت يبنو إذا تبتيت خاص يوحني كنو ils se sont pas basés sur des rêves ils se sont pas basés sur des interprétations ils se sont pas basés sur sur des philosophies gréco-romaines ou je sais quoi. Ils se sont basés sur le Coran et qu'à la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'à Allah, qu'à la Rasoul. Pourquoi nous aujourd'hui de la philosophie? Pourquoi nous aujourd'hui interpréter? Allah sallallahu alayhi wa sallam, le Coran a dit des choses, on le prend comme tel. On ne dit pas que Allah il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Allah il a mentionné, on sait que là il s'est mis chez l'homme, ou on s'en a battu. On sait qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah. Mais Allah les a mentionnés dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il les a mentionnés dans le Hadith. On les prend comme tel. Pas de commentaire à faire dessus. Et on ne doit pas dire que c'est la puissance ou c'est la miséricorde qui est descendue. Pourquoi on va commencer à interpréter? Oui, mais on est obligé à notre époque d'interpréter parce que tu sais, on est en 2000 là, et interpréter le modernisme, les technologies nouvelles. Tiens, regarde la technologie que le prophète nous a laissée. Base-toi sur les pieds de prédécesseurs. Ils étaient plus proches, des gens plus vieux. Il y avait moins de fitnas aujourd'hui. Comment ça aujourd'hui tu veux te baser sur Aqwal al-Akhirin, les derniers qui sont arrivés? Prends les anciens, Quand les premiers qu'on confine. فمن قال بهذه الكلمة celui qui a dit la ilaha illallah عارفا sachant son sens لمعناها عاملا بمقتداها avec tout ce qu'elle oblige en mettant en application tout ce qu'elle oblige cette kalima la ilaha illallah من نفي شرك en commençant par enlever le polythéisme le shirk وإثبات الوحدانية il affirme il confirme que الوحدانية l'unicité divine à Allah subhanahu wa ta'ala avec la croyance du cœur l'i'tiqad c'est pas le tout de dire la ilaha illallah avec la bouche et puis en vérité son cœur il le rejette il faut aussi l'accepter avec le cœur جاز له ما تضمنته والعمل به فهو المسلم حق المؤمن c'est lui le vrai musulman le vrai croyant c'est celui qui va mettre en application la ilaha illallah qui va rejeter le shirk, qui va rejeter toutes ses ambiguïtés et il va nettoyer son cœur de tous ces doutes-là, c'est lui le vrai musulman, le vrai croyant. فمتى عمل بها من غير اعتقاد فهو المنافق. Mais tandis que celui qui va dire maintenant la ilaha illallah et qui va le mettre en application, mais qui n'y croit pas en vérité, ça voit le munafiq. Et le munafiq, on a fait d'accord qu'il est assalmi l'annar, inshallah, en qarib. Et les hypocrites, inshallah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, que très bientôt ils seront châtiés. En commençant dans le dunya avant l'akhira. Parce qu'ils font plus de mal que de bien. Et c'est ce qu'on appelle les ennemis de l'intérieur. Les ennemis de l'extérieur, on sait où ils sont. Ce sont les ennemis de l'intérieur. Et bien les 15 visas que tu crois que c'est un musulman, mais la vérité derrière, ils t'égorgent par là. Inch'Allah, que Allah, pour là, il les nettoie rapidement, Inch'Allah. On ne joue pas avec la religion. Tu veux combattre Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est qui qui va combattre Allah? Tu veux une harba ma Allah? Allah, Akbar. Tout le monde a fait qu'il n'y croit qu'il peut. Ouais, regarde, on va faire ça, ça, ça, ça. Tu peux rien faire. Dieu nous l'a mahfoud, la religion d'Allah s'est préservée et protégée. On a nous là, nombre de l'Al-Qatra, on regarde pas la quantité des gens qui sont égarés. On regarde ceux qui sont au Qibla, mais qui sont dans le droit chemin. Et on fait Sabah pour qu'on soit la cause de la guidée des autres. Mais Sabah qui décide. Ou Alhamdulillah, fi qurubihim al-khayra, yu'tihim al-khayra, si Allah s'est là. Par sa pression, si c'est qu'il y a un bien dans leur cœur, nous ne le sait pas, nous, au moment où on parle. Mais à lui, Allah, il le sait. On fait des doigts pour eux. Si Allah, il veut le guider, c'est parce qu'il y avait un bien dans son cœur. Si Allah, il le guide pas encore, c'est qu'il n'est pas prêt pour recevoir la foi. Et s'il ne le guide pas du tout, c'est parce qu'Allah, il savait qu'il n'avait pas besoin de la ilaha illallah. Qu'il aurait plus de mal aux musulmans que de bien. C'est ça l'aqida. Il ne faut pas qu'on ait des doutes. Si on a un doute, c'est qu'on n'est pas encore forgé. Il ne faut pas avoir peur de dire l'homme a dit celui qui le mérite. Toi, là, tu sais qui c'est qui mérite. Nous, on fait la douane, toi, tu sais qui c'est qui mérite. Et ceux qui ne méritent pas, ils ne méritent pas. Une fois que tu as fait ça, tu as fait le douane, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Et que tu le vois, il est toujours égaré, il veut rester dans ton égarement. Et il a entêté à rester dans ton égarement. Et il appelle à son égarement. Salam alaikum. Il n'y a plus de dialogue entre toi et moi. On a mis un juge entre toi et moi qui est le Coran et la Sunna. Tu n'as pas voulu accepter le Coran et la Sunna, qu'est-ce que tu vas accepter à part ça? C'est tout. C'est même pas tellement la terrine, c'est ça. C'est de dire des choses qui ne sont pas. Non, on dit la vérité. La vérité, elle est le prophète, il a bien honte de dire la vérité. Quand Allah, il a dit, « Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andhir. » Moudassir, c'est celui qui était caché. Quand il est sorti de la grotte, il a eu peur, hein, il était sous des émotions. Il est rentré chez sa femme, Khadija, radiallahu anha, wa sallallahu alayhi wa sallam. Il est rentré, il s'est caché derrière une couverture comme ça, il tremblait. Il tremblait de peur. Attends, il y a une conversation qui a tourné entre Khadija, radiallahu anha, et le prophète, radiallahu anha. Après, quand l'ordre d'Allah, il est venu, il y a une Moudassir, autant qu'il est couvert, celui qui est couvert dans son bras. Comme ça, Andir. Laisse-toi et avertis. Allahu Akbar. nettoyer avec lui. Le prophète l'a dit, non, mais il y a des gens, ils vont me repousser, il y a des gens, aujourd'hui je suis l'homme de confiance, les gens m'aiment bien, tout ça, mais dès que je vais commencer à vertir, les gens vont s'arrêter de faire. Il a dit ça, le prophète, ça même, il s'est levé. Il a commencé à faire sa da'wah. Celui qui l'ont suivi, ils l'ont suivi, ce qu'on n'a pas suivi en bas. C'est leur problème. Il n'y a pas, il ne faut pas être gérant, que oui, mais tu sais, notre fraternité, elle va se prendre si je dis la vérité. Alors, alors tu préfères le laisser dans les garments. Tu vas pas aller dans les garments, tu préfères le laisser dans les garments. Dis-le la vérité. Si les sincères et qui cherchent la vérité, ils vont revenir dans mon chemin. Il va dire, regarde, c'est vrai qu'il y a peut-être une pousse, une pique, ça me fait mal dans mon cœur. Mais regarde, il me fait voir la vérité. Bon, t'es pas d'accord sur ce que tu avais dit. Fais tes analyses. Cherche la vérité. Est-ce que c'est vrai, dis ou pas, je vais faire mes recherches. Si tu vas trouver la vérité, et le jour où tu vas découvrir la vérité, et tu vas rentrer dans la vérité, tu diras Alhamdulillah, Ya Rabbi Al-Alamin, tu m'as sauvé dans le dunya avant l'akhira. J'allais dans un chemin, je ne sais pas où ça que j'allais. Là, ce jour-là, tu diras Alhamdulillah, que tu m'envoies, quelqu'un m'a guidé, Alhamdulillah, tu pleures. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Est-ce qu'on mérite vraiment ce qu'on a? Est-ce qu'on mérite? Donc, on a dit, celui qui ne croit pas en cela, il a l'air avec son cœur, c'est moi le munafiq. Et tandis que celui, من عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك الكافر. C'est celui qui fait contrairement à cela, il a l'air d'Allah. C'est lui le mushrik. C'est lui le kafir billah. Alors, il n'y croit pas avec son cœur, et il fait autre chose que ce, là, il a l'air d'Allah, il lui ordonne de faire. Kafir billah. Et il croit qu'il est en sécurité. Il a joué. Tu sais, t'es en train de jouer, joue dans le monde. Mais un demain, c'est quand même avec le monde, après tu verras, tu vas comprendre ce qu'on dit. Et si tu dis, ouais, il n'y a pas de. Quand tu leur donnes la proie d'évidence, voilà. Ah non, on dit aussi. Dans la planète Lune, là, comment on appelle ça, la Lune. Et puis, nous, on reste encore à. J'ai entendu des très bonnes oreilles. En parlant des compas, ils montent sur la Lune. Ils sont montés sur la Lune. Non, là, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si vous pensez que vous êtes montés sur la Lune. Non, là, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Notre cœur est parti, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nahum, min nahum. Où ils sont par rapport à nous? Celui qui va, celui qui va pas, ils sont exactement pareils. Ils sont pas pareils, ils sont pas égaux. Ouais, ils sont montés sur la Lune, ils ont fait des analyses. Qu'est-ce qu'ils sont allés voir sur la Lune? Les hijab. Ils sont allés voir les pierres. Les hijab, il y en a ici. Bon, d'accord, t'es monté, t'as malité. Alhamdulillah, regarde ce qu'Allah est capable de faire. Une terre sans personne. Une terre sans vie. Alhamdulillah, vraiment, là, c'est capable de faire. Alhamdulillah, t'as l'amour. Je parle de la truc et tout. Ils sont tellement égarés ce jour-là qu'ils ont dit que si jamais un jour il y a l'Holocauste ou je sais pas comment ils appellent ça, que la terre va éclater, le Big Bang qui va revenir parce qu'ils prétendent qu'il va y avoir un gros Big Bang. Effectivement, il va y avoir un Big Bang. Ça, c'est sûr. Mais le Big Bang que Allah il a écrit, c'est pas leur Big Bang à eux. Eux, ils disent que voilà, la terre va éclater, va exploser, mais nous, on se prépare à partir dans l'espace. On se prépare à partir dans l'espace, c'est pour ça qu'on analyse la Lune, on analyse toutes ces planètes pour voir si on peut trouver une vie là-bas. Et tant que tu trouves ton corps, il aura disparu, devenu en poussière. Tu vois, j'ai les liens. C'est l'ignorance quand on connaît par Allah, ça sera là. Et quand on ne veut pas connaître Allah, c'est le frère Allah. Parce qu'il y a une différence entre celui qui ne connaît pas, la vérité n'est pas arrivée, et celui qui connaît mais il ne veut pas le connaître. Ah oui. Donc le kafir et le mouchik, c'est ce qui est aussi. C'est celui qui simplement dit là, il a Allah avec la bouche. Il dit là, il a Allah, mais son cœur, il est fermé, et ses actions ne le font pas. Ses actions ne font pas qu'il dit là, il a Allah, qu'il est sincère. Et qui est sincère, mukhlis lillah, qui est sincère avec Allah. Donc on ne peut pas juger la sincérité des gens. On ne peut pas juger leur intérieur, mais on peut juger leur extérieur. Ça c'était pour Arkan, al-Shahada. Amma shurut la ilaha illallah. Maintenant les conditions de la ilaha illallah. Alhamdulillah, le Qasidati les a exposés. Le Qasidati les a exposés pour ceux qui veulent avoir plus de renseignements et les cassettes qui circulent. Nous, on va en parler, mais brièvement. Shurutu la ilaha illallah. Dakara al-ulama. بكلمة الإخلاص وفتغال في كل العلماء فيه شروط سبعة إلي أكتاب كونديشون إلي أكتاب كونديشون لا إله إلا الله si manque une de ces conditions pour la ilaha illallah, il la revoit. Si manque une condition de la ilaha illallah, pour la ilaha illallah, il la revoit. La tasuhu illa idha ijtama'at. Pour la ilaha illallah, il sera valable que si ces conditions sont rassemblées. Wa stakmalaha al-'abd. Et que le 'abd, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, va les mettre tout dans l'application. Et que maintenant il y tient fortement à ces conditions, sans en perdre une. Bidouni mouna qadatin li shay, sans rejeter une. Sans rejeter une. C'est pas le bon, j'en prends 6 et puis cela ne plaît pas trop. Je vais en prendre. Ah non, cela est difficile. Cela ne plaît pas, bon, je ne la prends pas. Cela est encore difficile à mettre en application, je ne vais pas la prendre tout de suite. C'est le thème arabe. Tu fais des œuvres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est pas quelque chose de وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها. Il ne pas suffisant simplement de dire qu'on connaît les 7 conditions et puis on les reçoit dans notre tête. Voilà, chakra, je sais quoi. Et puis des mots qu'on va évoquer sans que le cœur il bouge. La première des conditions, très importante, et on revient toujours à ça. Il y a toujours des gens autour de nous qui vont nous dire mais vous perdez votre temps. C'est l'ilm bila ilaha illallah. L'ilm bila ilaha illallah. Si tu n'as pas la science de la ilaha illallah, tu ne peux pas avoir les 6 autres et tu ne peux rien avoir. Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allahu akbar. Allah il a ordonné. Ce n'est pas moi, ce n'est pas lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas les savants. On ne lit, on ne connaissait rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous enseigne. Par l'intermédiaire des prophètes. Par l'intermédiaire des ulama, pas n'importe lesquels, ceux qui ont suivi le chemin des pieux prédécesseurs. C'est sur eux qu'on doit se baser. Pas ceux qui, des fois, amènent des paroles des pieux prédécesseurs, mais que dans certains domaines, ils vont dire oui, mais ça c'est pas grave. Tout est grave en religion. Il n'y a des morts. Sauf s'il y a un délit qui vient appuyer, ou qui vient donner un contraire. Comment tu dis que ça c'est pas grave en plus? Ah, le hijab, non, on n'est pas dans les musulmans, c'est dans le hijab. Toi, le ramadan, quand tu fais chaud, tu travailles dans le chantier, tout ça, et que des soeurs que tu manques à ton boulot, tu peux ne pas jeûner. Allah, Akbar. C'est pour ça que l'islam, que ce soit en France ou dans les pays européens, on ne peut rien faire. Parce que de ulama ta'abalim comme cela, au lieu de dire la vérité, ils cachent la vérité. Si ces ulama avaient fait bien leur travail, en bas des gouvernements, ils reconnaîtraient l'islam dans n'importe quel pays, des pays européens ou des pays lointains. Des responsables des gouvernements sont partis dans des pays musulmans tels que l'Égypte. C'est l'Azhar. Et ils ont posé des questions. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas la vérité. Ils avaient des questions, ils parlaient de poser à ce ulama-là. Voilà, nous, on a fait le problème. Est-ce que c'est vrai que dans l'islam, le tawhid n'est jamais obligatoire dans certaines conditions? On a par exemple le problème de la barbe, on a le problème de ceci, on a le problème de ça. Et puis les ulama à chaque fois, ils donnent des réponses contraires. Je ne dis pas tous les ulama, hein, parce que la chair des ulama elle est empoisonnée. Donc parlons des ulama correctement. Je dis ceux qui ont dévié du chemin. D'accord? Et il y en a. Alors ils ont donné des réponses contraires à qui étaient dans le Coran et dans le Sunna. Ils sont venus, ils ont mis en application ce qu'on leur a dit. Des musulmans qui ont voulu et qui aiment la religion et qui sont sincères avec Rabbil Alamin et qui veulent mettre en application la religion, il y a une barrière qui s'est créée. Ah non, dans la religion, il y a ça. Ah, ça ne veut rien dire, on s'est rendu sur place. Tous les gens qui font la recherche, ils se rendent sur place, ils arrêtent. C'est pas radio trop tard, je t'écoute ce que tu me dis, ce que tu me ramènes. T'as un jeu sur quelque chose, vas-y, va te déplacer, téléphone, cherche la vérité. Ils se sont rendus là-bas, ils ont fait comment nous on est partis. On a rencontré des ulama, beaux ulama, et voilà ce qu'ils nous ont donné comme réponse. Donc, il n'y a pas interdiction de faire du foulard, interdiction de prendre la barbe, interdiction ceci, interdiction cela, et voilà. Et on reste dans les guermons.